Ce ferment-là a aussi été réalisé dans le cadre de l'atelier mené par Hervé Munch. On ne sait pas grand-chose de ce ferment-là, hormis qu'il s'appelle Acid Sunrise, levé de soleil acide, et qu'il est très très très violet.